C'est un homme sans nom, X. Appelons-le ainsi, Monsieur X. Il n'a consenti à me confier les secrets de son extraordinaire existence que si je garantissais scrupuleusement son anonymat. Et à plusieurs reprises, il a menacé, j'interromprai immédiatement nos entretiens si cette clause n'était pas respectée. Alors, que puis-je dire sans trahir cet engagement ? Monsieur X est âgé, il doit avoir entre 70 et 80 ans, mais allez savoir exactement avec ce diable d'homme. Malgré son âge, il donne une incontestable impression de vigueur, de force physique et son regard clair vous transperce. Bref, vous l'aurez compris, le bonhomme n'est pas particulièrement commode et lorsqu'il consent à se livrer, c'est toujours au compte-gouttes. Je l'ai rencontré par hasard. Enfin, c'est ce que je croyais. Mais à vrai dire, aujourd'hui, je n'en suis plus très sûr. C'était il y a quelques mois. Je travaillais à la préparation d'un documentaire sur l'armistice de 1940 et je courais de bibliothèque en bibliothèque afin de me documenter. Un jour, à l'Arsenal, mon voisin de table s'est tourné vers moi. « Pardonnez-moi mon indiscrétion, mais je vois que vous vous intéressez aux événements de 1940. » C'était Monsieur X, vous l'avez deviné. Et c'est ainsi que tout a commencé. En sortant de la bibliothèque, nous avons pris un verre. L'homme est charmant, charmeur, conviendrait mieux. J'ai d'abord écouté avec un certain scepticisme ses premiers propos. Tout avait commencé pour lui en 1940, tout, c'est-à-dire une vie hors du commun, une existence qui lui avait permis de passer, comme il le dit lui-même, de l'autre côté des choses. Monsieur X prétendait en effet détenir un certain nombre de secrets sur l'histoire du demi-siècle passé. « Il y a toujours deux vérités », me dit-il ce jour-là. « La vérité officielle et l'autre ». Celle qui ne sera jamais écrite dans les livres d'histoire, mais qu'un petit nombre d'initiés connaît. Moi, j'ai le privilège de faire partie de ce cercle. Oui, je vous l'avoue, j'étais vraiment sceptique. Mais la curiosité a été la plus forte, et je ne le regrette pas. Trap. I don't worry about the flights or count the stairs, 'cause I know someone's there. I took a high paying sweeping up job, dusting after somebody else. Seeing that there's clean on the windows, convincing the snow to melt. I don't worry about the ride or the subway fare, 'cause I know someone's there. One day we'll move uptown or even out to the countryside. And for every leaf on a tree, we'll add one cup to the pride. Who cares if the floor ain't level or if the ceiling falls in? Haunted by the devil or ghosts and boogeymen. I can't be concerned, why should I care? No place I'd go alone would compare, 'cause I know you're there. Uptown or even out out to the countryside. And for every leaf on a tree, we'll add one cup to the pride. Who cares if the floor ain't level or if the ceiling falls in? Haunted by the devil and ghosts and bogeymen, I can't be concerned. Why should I care? No place I'd go alone would compare. 'Cause I know you're there. Monsieur X, j'ai bien sûr essayé d'en savoir plus sur cet énigmatique personnage. Hors micro, il a consenti enfin à me dire qu'il avait occupé de hautes fonctions, tantôt dans l'administration ou les sphères proches du pouvoir, tantôt dans le privé. Mais jamais sur le devant de la scène. Ce fut un homme de l'ombre, oui, même si cette expression prête un peu à sourire. Un homme qui a en tout cas beaucoup fréquenté les officines des services spéciaux, officiels ou non. Il avait envie de parler. Je le sentais. Mais en même temps, il y avait chez lui une grande méfiance. Et lorsque je lui ai proposé de l'enregistrer, il a aussitôt poussé les hauts cris. Bref, à force de persuasion, je suis arrivé à mes fins. Nous avons convenu de nous voir en terrain neutre dans les bureaux d'une société d'import-export où, curieusement, nous ne rencontrons jamais personne. Encore un mystère de plus. Vous m'avez dit l'autre jour que, pour vous, tout avait commencé en 1940. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour la première fois, peut-être, j'ai eu la révélation que nous vivons dans un monde de faux-semblants. Oui, il faut être un peu plus clair quand même. Écoutez, à l'époque, j'étais un tout jeune homme. Après des études nonchalantes, j'ai eu de la chance d'être affecté dans un service un petit peu spécial. Un service de renseignement, j'imagine. C'est le deuxième bureau ? Peu importe. Ce qui compte dans mon histoire et ce qui va orienter à tout jamais ma vie, c'est que je découvre en ces années très noires que la trahison existe au sein même des plus hautes instances du pays. Moi, c'est une accusation grave, ça. Vous avez entendu parler de la cinquième colonne ? Oui, comme tout le monde. Je vais vous dire, j'ai toujours pensé qu'il s'agissait d'un bobard, de la propagande pure. Détrompez-vous, la cinquième colonne existait bel et bien. Mais alors, pas tout à fait là où on croyait la trouver. N'allez pas trop vite, parce que, enfin pour moi, mais comme pour tous les gens qui ont connu l'époque et ou étudié l'époque, moi, je vois encore cette célèbre affiche de Paul Colin, où on lisait, si mes souvenirs sont bons, « Silence, l'ennemi guette vos confidences ». C'est-à-dire que, en gros, le gouvernement faisait croire à l'époque que des agents ennemis étaient infiltrés dans la population et renseignaient les nazis en vue de la guerre prochaine. Mais ils n'avaient pas tout à fait tort. Au moment de l'invasion allemande, il s'est produit un petit peu partout en France des événements extrêmement curieux. Ainsi, ces mystérieux coups de téléphone censés venir de l'état-major demandant à la population civile d'évacuer les villes et les villages frontières du Nord. Et ça marchait, ça ? Et comment ? Et si ça n'allait pas assez vite, les Allemands bombardaient un petit peu. Résultat, la panique. Une panique qui a précipité des milliers, des centaines de milliers de gens sur les routes. On cassait le moral de la population, mais alors surtout, c'était là l'essentiel. On gênait la progression des troupes françaises sur des routes totalement encombrées par ces colonnes de voitures, de charrettes surchargées de meubles, d'ustensiles de cuisine. Enfin, tout ça, ça circulait en sens inverse. Je vous assure, c'était véritablement l'embouteillage du siècle. Donc, si je vous suis bien, l'exode, le fameux exode, a été provoqué par la cinquième colonne. Tout à fait. Et il suffisait d'un tout petit nombre d'agents pour organiser cette horrible confusion. C'était de la guerre psychologique avant même qu'on ne l'invente. J'irais même plus. La croyance dans cette cinquième colonne était aussi importante que son existence même. Il fallait que les Français soient persuadés que les agents ennemis étaient partout et qu'il était donc urgent de fuir toujours plus loin, encore plus loin, puisque la catastrophe était inévitable. Mais vous avez des exemples ? Oui, la propagation des fausses nouvelles. Un inconnu affirme avoir vu un parachutage de soldats allemands. Aussitôt, la garnison locale se met en chasse et perd un temps précieux à chercher ces fameux parachutistes imaginaires, alors que le vrai danger, lui, vient d'ailleurs. Oui, c'est la psychose, quoi. Oui. La psychose, mais alors une psychose minutieusement organisée. Un autre cas, tenez, que j'ai vécu personnellement. C'était dans un village normand, peu importe lequel d'ailleurs. Soudain, un coup de feu éclate. Les Allemands. Immédiatement, c'est la panique. Les habitants empilent leurs biens sur des brouettes, des chariots, des tombeaux. Enfin, on fuit comme on peut, on se lance sur les routes. Et ce flot de fuyards retarde tout simplement une unité qui montait au front. Ah, mais il a quand même eu un coup de feu. Oui, mais il avait été tiré par une brave femme qui avait tout simplement tué son chien malade. Ouais, bon. D'accord, des agents ennemis, donc, en petit nombre, étaient infiltrés en France. Bah, c'était de bonne guerre, si je puis dire. Mais je ne vois pas là la gigantesque trahison dont vous parliez tout à l'heure. Oui, bah écoutez, un petit peu de patience, je vais vous montrer que la cinquième colonne, la vraie, avait totalement gangréné le pays. Il me revient en mémoire, il me revient une histoire, il me revient des images, un village, mon village. Il me revient en mémoire, je sais pas, comme un songe, cette histoire. Et voilà qu'au loin s'avance mon enfance, mon enfance. C'était, je crois, un dimanche, c'était, je crois, en novembre. Qu'importe, mais je revois l'usine, oui, l'usine, ça dessine. Surgit du livre d'images, un ciel gris d'acier, une angoisse, et des pas lourds qui se traînent, et des ombres qui s'avancent. C'était, j'en suis sûr, un dimanche, c'était, j'en suis sûr, en novembre, et se détache une image, un visage. Ton visage, où allais-tu sur cette route, comme une armée en déroute, et tout devient transparence, et tu deviens une absence, tout me revient en mémoire, le ciel et novembre et l'histoire. Et les pas qui se rapprochent et s'avancent en cadence. Toi, où es-tu, je te cherche. Où es-tu, je te cherche. Toi, mon passé, ma mémoire. Toi, ressorti de l'histoire, qui était, j'en suis sûr, un dimanche. En novembre. Ton visage, toi, sur cette route figée, et les ombres qui se rapprochent, et les ombres qui te frappent et t'emportent. Un mot avant de reprendre la suite de mon enregistrement avec Monsieur X. D'où vient cette expression « cinquième colonne » ? Eh bien, elle a été inventée par les nationalistes espagnols, les franquistes, au moment de la guerre d'Espagne. Ils désignaient ainsi ceux de leurs partisans qui demeuraient dans Madrid, tenus par les républicains, aidaient en secret les quatre colonnes militaires de Franco qui assiégeaient la capitale espagnole. Alors bon, la cinquième colonne. Monsieur X nous a d'abord dit qu'il s'agissait d'une psychose collective soigneusement préparé, organisé par les Allemands. J'ai retrouvé un article paru dans le Figaro du 15 juillet 1940, quelques semaines donc après cette débâcle. Un officier raconte, je le cite, « Tel individu, sur la route de Cambrai à Bapaume, criait à l'approche des Allemands, ce qui était inexact, mais l'ébranlement de tous sous quelques bombes et le passage de formations massives d'avions donnaient à sa parole tout crédit. Ces récits de panique vidaient à la lettre le village, mobilisaient la population pour l'exode, avec elle, l'employé des postes dont le départ privait l'armée de l'usage des liaisons téléphoniques, ou l'employé de gare dont la présence au poste d'aiguillage est nécessaire à la montée des renforts. Une virulente contagion faisait son œuvre, tout cédait et se décomposait. La fausse nouvelle de l'approche de l'ennemi faisait refluer les camions de ravitaillement d'une compagnie du train. Et sur les routes embouteillées par la cohue, des services sanitaires et même des batteries d'artillerie privées de liaison avec les états-majors cédaient à l'énorme courant des civils. Ils cédaient sous la parole d'un inconnu, à la crainte d'être faits prisonniers avec leur matériel, ils se repliaient. Voilà donc pour cette citation du Figaro, mais reprenons. Quand je parle de trahison, croyez-moi, je pèse mes mots. Pour expliquer l'ampleur de la défaite de 1940, on a parlé de l'incompétence du commandement, de l'état d'impréparation de notre armée, des fautes du gouvernement de Front Populaire, qui, sous-estimant la militarisation allemande, n'avait donné suffisamment de moyens à notre industrie d'armement. Et bien sûr, on a évoqué la déliquescence morale de la France. Ça, toujours. Comme si on avait perdu la guerre parce qu'on ne croyait plus aux vraies valeurs. Enfin, je préfère ne pas faire de commentaires. En tout cas, il y a un point sur lequel je suis formel, c'est que si on a pris une déculottée, eh bien, c'est en toute connaissance de cause. Vous voulez dire que cette déculottée, comme vous dites, était annoncée? Oui. S'il y a un secteur qui n'a pas failli, je peux vous le dire, c'est celui du renseignement. Nous savions tout. Vous entendez tout sur les Allemands, leurs préparatifs de guerre et leur manigance à l'intérieur même de nos frontières. Vous avez dit manigance. Ouais, vous avez dit manigance. Oui, je veux parler de l'action pernicieuse des agents d'influence pro-nazis. La cinquième colonne des intellectuels, si vous préférez. Le chef d'orchestre, c'était le diplomate Otto Abetz. Le créateur, l'inspirateur du comité France-Allemagne, qui regroupait des gens comme Jules Romain, Benoît Méchain, Drieu La Rochelle et même Sacha Guitry. Ouais, Sacha Guitry, vous n'allez quand même pas me dire que c'était un nazi, non? Bien sûr que non, mais lui et les autres étaient germanophiles. Et tous contribuaient parfois, malgré eux d'ailleurs, à la pénétration des idées des nazis. N'oubliez pas qu'à l'époque, dans les milieux conservateurs, on se disait que faire les yeux doux à Hitler, c'était peut-être la meilleure façon de repousser Staline. Puis il y avait aussi les journalistes comme vous, hein, et les journaux ouvertement pro-hitlériens, comme Je suis partout, dont Ribbentrop disait, paraît-il. Ah oui, je me souviens. C'est ma trompette. Oui. Ma trompette. Sans compter ceux qui touchaient des enveloppes pour écrire des articles favorables à l'Allemagne nazie. Et le gouvernement français laissait faire. Oui. Et pourtant, les services de contre-espionnage français. Dont vous deviez faire partie, j'imagine, hein, si j'ai cru voir vrai. Et le contre-espionnage, disais-je, et aussi le service vous pouvez pas parler, hein. De renseignement n'était pas inactif, bien au contraire. On savait qui travaillait pour Abetz, on avait mis à jour ses réseaux, ses agents, le colonel Rivet, un type formidable, hein, et le chef adjoint du contre-espionnage, le capitaine Payol, veillait, recoupait, démasquait les espions nazis. Et en 1939, ils réussirent à accumuler suffisamment de preuves sur les menées d'Otto Abetz pour enfin le faire expulser de France. Donc le gouvernement agissait quand même? Non, c'était seulement une initiative du deuxième bureau. Et immédiatement, ce fut le tollé Daladier, le président du Conseil, mais aussi le général Gamelin, le fameux Gamelin, le patron de l'armée, celui qui allait faire la pitoyable guerre qu'on sait, et d'autres encore. Hein, tous protestèrent et contre l'expulsion. Ils ont même menacé de faire muter le colonel Rivet. Comment pouvait-on oser expulser un diplomate allemand notoirement francophile, marié à une Française de plus? Et il a fallu que le pauvre Rivet se défende bec et ongles et ouvre son dossier pour faire taire les pleurnichards. Alors, si je vous entends bien, c'est ça la trahison dont vous me parliez? Ça n'y ressemble pas. Enfin, je vous laisse juger. Mais il y avait plus grave. Absolument toi, oh oui. bâtir ce nouveau monde où l'on ignore le péché, subjugué l'un par l'autre. On se connaît depuis la nuit des temps. L'amour serait-il donc éternel, comme dans les contes de fées? J'entends ton signal silencieux, même en pleine. Aveuglement ou trahison. C'est vrai en tout cas que l'expulsion d'Otto Abetz, il reviendra triomphalement en 1940 comme ambassadeur du Troisième Reich et sera le premier artisan de la politique de collaboration franco-allemande, c'est vrai donc que cette expulsion avait provoqué beaucoup d'émoi en France. Les partisans de l'Allemagne accusaient les fauteurs de guerre d'être à l'origine de cette expulsion. Et il est exact, comme le disait M. X, que le gouvernement aurait souhaité que cette mesure d'expulsion fût rapportée. Pour en revenir à la cinquième colonne et à l'entreprise de propagande des nazis en France, voici ce qu'écrit Henri Navarre dans son livre « Le service de renseignement » paru chez Plomb. La cinquième colonne n'était pas, comme on l'a souvent cru, de nature militaire. Elle était politique, idéologique, intellectuelle, journalistique, mondaine. Elle avait ses représentants dans tous les milieux. Par l'anesthésie du moral de la nation et par l'affaiblissement de la volonté de défense qu'elle contribuait largement à provoquer, elle allait être l'une des causes de notre défaite. Je vous ai dit précédemment que si des gens n'avaient pas failli, c'était bien ceux des services de renseignement. Je vais d'ailleurs vous en donner une preuve éclatante. C'était une histoire absolument extraordinaire. C'est celle d'un déçu du nazisme. Il s'appelait Hans Thilo Schmidt. Quelle mémoire, hein. C'était un ancien combattant de la guerre de 14-18, décoré de la Croix de fer. Et Schmidt avait été gazé. Comme Hitler, hein. Oui, exactement. Il avait donc été gazé, et ce handicap physique lui avait valu de rester assez longtemps au chômage. Enfin, il avait trouvé un emploi au service du chiffre au ministère allemand de la guerre. Oh, un emploi pas très glorieux, et surtout très mal payé. Et malgré son adhésion au parti nazi, Schmidt végétait. C'était un aigri. Surtout quand il comparait sa situation à celle de son frère Rudolf, celui-là qui faisait une carrière absolument prometteuse dans l'armée allemande, puisqu'après avoir enseigné à l'école de guerre, il deviendra même général et commandant de la première division blindée de la Wehrmacht. Mmh. Aigri, envieux, brillant sujet. Oui, un peu mieux que son frère. Donc Schmidt, je disais, il voulait de l'argent. Il pouvait beaucoup d'argent. Et c'est ainsi qu'un jour, il a pris contact avec les services français. Ça, c'est extraordinaire. C'est lui qui prend l'initiative. Oui, aussi étonnant que ça puisse paraître. On me l'a raconté plus tard. Schmidt avait tout simplement écrit au deuxième bureau, aux 2 bis de l'avenue de Tourville, pour proposer ses services. Et sa situation au bureau du chiffre en faisait, vous l'imaginez bien, une recrue de choix. Vous avez entendu parler des fameuses machines Enigma ? Et bien sûr, les machines allemandes à chiffrer. Oui, c'est ça. Enfin, des sortes de machines à écrire très, très sophistiquées, qui étaient munies de 3 tambours ou rotors, enfin, et qui permettaient d'ailleurs aux services allemands de chiffrer tout à fait mécaniquement leurs messages. Parce que jusque-là, on codait à la main, on déchiffrait exactement de la même façon. Enigma, c'était un progrès absolument extraordinaire. Il suffisait à l'opérateur de posséder le livre des clés pour coder son message, et puis celui qu'il recevait, bah, il en faisait en temps la manipulation. Il faisait la même chose, quoi, en fait. Oui, il avait le message en clair. Voilà, c'est voilà. Ça. Ouais. Mais c'était des ordinateurs avant la lettre, quoi. Oui, et les messages ainsi chiffrés ne pouvaient être déchiffrés que par une autre machine Enigma. Autant dire que ce chiffrage était pratiquement indécryptable. Et tous les services de renseignement, qu'ils soient français, anglais ou polonais, se cassaient les dents, hein, essayaient de décoder les messages allemands. Et soudain, voilà qu'un homme se présente, Hans Schmidt, qui offre de communiquer aux services français le mode d'emploi des machines Enigma. C'était inespéré. C'était un tuyau qui valait une fortune. Ah, une vraie fortune, j'imagine. Mais alors, est-ce que le code allemand a été cassé ? Oui. Avec l'aide de nos alliés polonais, qui étaient très, très en avant dans ce polonais, domaine. Hein. Oui. Cette réussite aura d'ailleurs les conséquences absolument incalculables plus tard, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, tout simplement, puisque les alliés pourront déchiffrer les communications militaires allemandes. Et ce fut d'ailleurs un des secrets les mieux gardés au sein du commandement allié. Hein. Un secret, paradoxalement, très embarrassant par ailleurs. Je ne comprends pas. Mais si. Imaginez que vous connaissez tous les plans de l'ennemi. Si vous parez systématiquement ses coups, vous lui donnez des soupçons. Il devine que vous avez des antennes chez lui. Enfin bref, il peut être tenté de changer son système de chiffrage. Le cas s'est posé dramatiquement à Churchill, au moment du bombardement de Coventry. Grâce à Enigma, les Anglais savaient que la ville allait être massivement bombardée. S'ils donnaient l'ordre à la population d'évacuer la ville, ils faisaient comprendre illico aux Allemands qu'il y avait une fuite chez eux et qu'ils avaient la possibilité d'intercepter leurs communications. C'était quand même un sacré cas de conscience pour Churchill, non ? Eh bien, Churchill a tranché. Les Anglais n'ont pas bougé. C'est très anglais, ça. Et la préservation du secret d'Enigma a été payée par la mort de centaines de civils sous les bombes allemandes. D'accord pour Churchill et Coventry, mais je voudrais qu'on revienne à Schmitt, moi. Mais écoutez, Schmitt ne s'est pas contenté de livrer Enigma. Il nous a aussi alimenté en informations les plus diverses. Vous avez des exemples ? Bon, autant que vous en voudrez. Grâce à Schmitt, nos services connaissaient dans le détail, par exemple, le programme de réarmement de la Wehrmacht. Il savait aussi que le commandement allemand avait privilégié l'utilisation massive des blindés. Je vous rappelle qu'à la même époque, en France, un certain colonel de Gaulle prêchait aussi dans le désert exactement la même théorie. Bon, que vous dire encore, je ne sais pas, l'occupation de la Rhénanie, l'annexion de l'Autriche, l'invasion de la Tchécoslovaquie. Celle de la Pologne avait été annoncée à l'avance par Schmitt. Et ce n'était pas l'information la moins importante. Dès le début du printemps 40, notre espion à Berlin nous avait envoyé les plans de l'offensive allemande qui allait déferler sur notre pays. En 40 ans. Oui, oui. La fameuse percée de von Rundstedt et Guderian que nos braves militaires n'avaient pas su prévoir. Je vous le dis, nous savions absolument tout. Nous n'avons rien fait. Et quand je dis nous, je parle du haut commandement, hein, du pouvoir en place. Alors, maintenant, vous comprenez que je puisse parler de trahison ? Je suis l'homme à tête de chou. Moitié légume, moitié mec. Les beaux yeux de Marilou, je suis allé porter au clou ma Remington et puis mon break. J'étais à fond de cale, à bout de nerfs, j'avais plus un copec. Les jours où je me mis avec elle, je perdis à peu près tout. Mon job, la feuille de chou, un scandale qui me donnait le beefsteak. J'étais fini, foutu, échec, et mat aux yeux de Marilou, qui me traitait comme un blanc bec, et me rendait moitié coucou. Oh non, tu peux pas savoir, mec. Il fallait les discothèques et bouffer au kangourou club. Alors je signais des chèques sans provision, j'étais fou, fou. À la fin, j'y fis le caillou comme un melon, une pastèque. Mais maman, je vais pas tout déballer comme ça, aussi sec. Quoi, moi ? Des mères encore ? Des clous ? Écume, varec, sur la plage de Malibu. Naturellement, j'ai cherché à recouper les informations de M. X. Dans l'imposant ouvrage d'Anthony Cave Brown sur la guerre secrète, J'ai trouvé confirmation de l'existence d'un espion allemand qui correspond à Schmitt, traître rancunier et intéressé. Brown le désigne comme étant la source D. Et son correspondant, on dirait aujourd'hui son officier traitant, y est appelé Bertrand. Je cite Brown. Avec les données fournies par source D, Bertrand était désormais en mesure de présenter une réplique d'Enigma, réplique qui fut construite par une usine franco-américaine établie hors de Paris et spécialisée dans la fabrication de caisses enregistreuses. Si l'on s'en tient aux affirmations françaises, source D, ayant par ailleurs commencé à envoyer une communication régulière des changements mensuels de clés de code opérés par la Wehrmacht pour décourager toute tentative de violation dans ce domaine, les Français avaient maintenant la possibilité de déchiffrer les codes allemands les plus hermétiques. Mais bien entendu, cela ne pouvait durer que dans la mesure où source D continuerait à fournir les indispensables modifications intervenues. Par ailleurs, M. X ayant fait allusion au bombardement de Coventry, j'ai compulsé les archives. Il y eut 554 morts et 865 habitants grièvement brûlés à la suite du raid allemand. C'était en effet un prix terrible à payer pour préserver le secret d'Enigma. Encore aujourd'hui, j'enrage quel gâchis depuis des années. Nos services fournissaient des informations de premier plan sur l'Allemagne et sa fameuse politique belliqueuse, mais rien. Rien ne se passait chez nous, parce qu'on ne voulait pas nous écouter, alors qu'on disposait de sources exceptionnelles, et je pèse mes mots. Oui, mais alors vous parlez tout le temps de trahison, hein, d'accord ? Mais il pourrait aussi s'agir, je ne sais pas moi, d'incompétence. C'est vrai qu'à cette époque, au sein de l'état-major, l'incompétence était un des défauts les mieux partagés. Non, il y avait vraiment autre chose. Il y a la cinquième colonne encore. Oui, et ce que je vous dis est grave, la cinquième colonne sévissait aussi au sommet. Et je l'ai compris, mais au cours de ce dramatique été 1939... Alors que Schmitt nous bombardait littéralement d'informations, toutes plus précises les unes que les autres sur la prochaine attaque de la Pologne. La Pologne, avec laquelle, je vous le rappelle, nous étions liés par un traité d'assistance. Un petit détail, comment Schmitt communiquait avec les services français ? Le plus simplement du monde, il écrivait des lettres à l'encre sympathique. Pas très fiable, non ? Pourquoi ? Ça a marché pendant des années. Et si Schmitt a fini par se faire prendre, c'est pour une toute autre raison, la trahison. Une fois de plus. Mais je vous le raconterai tout à l'heure. Été 1939, donc, Schmitt nous alerte en juin. Attention, c'est pour la fin août. C'est l'invasion de la Pologne. Alors, j'imagine que l'information est transmise tout de suite au gouvernement. Oui, mais curieusement, édulcorée. Pourquoi ? Dans la note qui est envoyée au gouvernement, on ne parle pas d'attaque possible, mais de tension possible. La différence est quand même de taille, non ? Alors, vous mettez en cause quelqu'un, là ? La hiérarchie militaire, c'est évident. Là-haut, quelqu'un avait intérêt à minimiser systématiquement l'importance des formidables renseignements que Schmitt nous transmettait. Et quand la Wehrmacht est enfin entrée en Pologne, le 1er septembre 1939, il était trop tard. Nos alliés n'avaient plus qu'à se débrouiller par eux-mêmes et, comme vous le savez, ils ont résisté courageusement un petit mois et tout a été terminé. La défaite polonaise, je l'affirme ici solennellement, c'est aussi la victoire de la 5e colonne française. Oui, mais alors, vous étiez au courant, hein ? Vous n'avez rien fait ? Mais j'ai fait ce que j'ai pu, comme Rivet, comme Payol. Il m'est souvent arrivé de donner un petit coup de pouce au destin ou à l'histoire, comme vous voudrez. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. À l'époque, je n'étais qu'un tout petit jeune homme, une espèce de rouage subalterne, impuissant. Ouais, admettons. Alors, ce Schmitt-là, qu'est-il devenu, lui ? Ben, il a fini par être découvert. Et il a été assassiné par les nazis, à cause de nous. À cause de nous ? Enfin, à cause des Français, donc, expliquez-moi. Ben, le 14 juin 1940, les Allemands entrent dans Paris. L'une de leurs premières préoccupations était bien sûr de mettre la main sur nos archives. Ben, j'imagine, quand même, j'imagine quand même qu'on n'avait pas laissé les archives en place. Ben, hein. Détrompez-vous. Et ils ont trouvé intacts tous les fichiers des ministères et même celui de la Sûreté, rue des Saussets. Quant aux archives du haut commandement français, elles se trouvaient dans un wagon plombé dans je ne sais plus quelle gare, à portée de main des Allemands. C'est ainsi qu'avec la plus grande facilité, les gens de Canary et d'Heydrich ont découvert qu'ils étaient espionnés depuis des années. Bon, le reste, ça a été un jeu d'enfant, une enquête policière classique, et Schmitt est tombé. Oui, d'accord, mais alors, vous restez sans arrêt dans le flou, parce que moi, je veux savoir qui a trahi. Bah, relisez les documents de l'époque, interrogez-vous, et comme moi qui fus un témoin direct de ces événements, vous saisirez peut-être enfin que la défaite française, l'armistice de 1940, bon, et la chute de la Troisième République ont été l'aboutissement d'un complot, et si vous le désirez. Mais un de ces jours, je vous en parlerai. <t'-> ce jour-là, M. X n'a pas voulu m'en dire plus. Alors, comme il m'y a invité, j'ai lu. Par exemple, le magistral livre de Pascal Krop sur les secrets de l'espionnage français, paru chez Lattès il y a quelques années. Krop cite le colonel Payol dont M. X a parlé. Écoutez. « Je ne cherche nullement à dégager notre maison de toute responsabilité dans le maigre bilan tiré en haut lieu de son travail et de ses avertissements. Mais est-il sûr que la vérité parvenue toute nue au sommet eût modifié le comportement des hommes ? Je vous propose de nous retrouver samedi prochain pour une nouvelle série d'entretiens avec M. X. »